PKFM jusqu'au bout du monde. Mesdames et messieurs, les journalistes et professionnels de la communication, conscients de la place des radios de proximité, des radios communautaires, des radios confessionnelles, des web radios dans le processus d'une cohésion sociale durable, dans l'intérêt de mieux poursuivre sa mission d'informer, de sensibiliser, d'éduquer et d'égayer la population. Dans un souci de permettre aux acteurs des radios à majorité jeune de vivre de leur passion et conscient de la limite de l'individualisme, les radios de la région de Gbeke, dans leur ensemble, décident pour une première fois dans l'histoire de notre circonscription d'unir leurs forces afin de mieux mener le combat du changement de mentalité des populations, surtout des plus jeunes. Cette plateforme dénommée Union des radios de Gbeke, en abrégé ULG, a décidé de me confier la présidence pour une durée de 3 ans, et ce, depuis le 13 novembre 2019. Dès ma prise de fonction, j'ai pris soin de rendre visite aux différentes radios qui composent notre union en dehors de Nobel FM de Djebonois, pas encore visitée. Cela est fait à dessein parce que cette radio doit abriter la prochaine réunion de l'ULG. Au cours de ma visite avec mon équipe, nous avons été heureux de rencontrer des acteurs prêts à poursuivre leur mission en vue de participer davantage au développement de notre localité qui refait sa mue avec tous les projets en cours de réalisation dans les domaines de l'eau, de l'électricité, du bitume, des établissements scolaires et sanitaires. Avec le peu de moyens dont disposent nos radios, nos jeunes animateurs, sous le leadership de leurs différents directeurs, font mains et pieds pour donner le meilleur d'eux-mêmes afin de satisfaire nos auditeurs. À l'heure de notre intervention, nous sommes convaincus que nos radios ont les moyens humains pour une cohésion sociale réussie et une paix durable, car elles ne cessent de faire leur preuve malgré les moyens de bord. L'on se rappelle encore des efforts inlassables de ces canaux de communication pour le soutien moral des populations pendant la crise que notre pays a connue de 2002 à 2010. À vrai dire, les radios de proximité ont contribué activement à maintenir l'équilibre social entre la mosaïque de peuples de notre région et à donner de la joie de vivre aux populations marquées par des troubles incessants. Aujourd'hui, ces radios méritent mieux afin d'apporter également leur touche communicationnelle dans le processus d'émergence de notre pays. C'est pourquoi nous profitons de cette tribune pour soumettre une doléance qui nous est très chère au président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence, M. Alassane Ouattara. Monsieur le Président, les 4 radios de proximité que sont Alliance FM, Radio Phoenix, Média Plus, Saphir FM ont nécessairement besoin d'agrément. Pour les nombreux efforts consentis par ces radios dans le processus de civisme, de citoyenneté, de cohésion sociale durable, de paix et d'appui au gouvernement, nous serons plus qu'heureux, Excellence, qu'elles bénéficient de leur agrément. Document qui viendra booster davantage leur engagement pour l'émergence dans notre région. Au nom de l'ULG, je voudrais dire grand merci à tous ceux et toutes celles qui ne cessent de nous accompagner afin d'instruire et d'égayer nos populations. Infini merci aux autorités administratives, coutumières, religieuses de Gbeke pour leur soutien indéfectible. Merci à la presse par le biais de l'UNAGICOPSI pour son soutien. Vive des élections apaisées en Côte d'Ivoire, vive le Gbeke, vive la radio. Je vous remercie. Gbeke FM jusqu'au bout du monde.